Sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Non, rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire, le calvaire a tout couvert. Ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, nul n'autre que ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout fait. Le calvaire a tout couvert. Mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Gloire à celui qui sauvé mon âme. Le calvaire à toi ouvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire à tout ouvert. Qu'on peut acclamer le Seigneur pour le calvaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Remercier. Dis merci pour le sacrifice, pour le calvaire, pour Jésus, pour ton salut. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Élève les mains. Ce matin, Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour le calvaire. Merci pour le calvaire. Oh, Seigneur, tu as sauvé mon âme. Tu as couvert mes péchés par ton sang. Par ton sang, Seigneur, merci ce matin. Merci pour le pardon. Merci pour la vie éternelle. Oh Seigneur, merci. Nous te louons, nous t'adorons ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I surrender all to you. Je me donne. Je me donne. À toi, tout ce que j'ai, oh, tout ce que j'ai, je te le donne, sans rien retenir, sans rien retenir, je m'abandonne à toi, je m'abandonne. Je te le donne. Est-ce que tu peux lever les mains? Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai. Je te le donne sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement à toi ce matin. Je me livre. Que tu peux mettre Dieu. Me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Oh, ce matin, je me livre totalement. Le Seigneur veut prendre soin de toi. Je me le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te bénir. Est-ce que tu peux te livrer ce matin, ce matin? Oh, je me livre totalement ce matin. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. M'abandonne à toi. Est-ce que tu peux juste dire ça? Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux lui faire confiance ce matin. Je m'abandonne. je m'abandonne. Tu peux lui faire confiance, il veut prendre soin de toi, il veut te délivrer, il veut te sauver, il veut te bénir, il veut changer ta vie, il veut changer ta vie, il veut changer ta vie, il veut changer ta vie, il veut changer ta vie, au nom de Jésus, est-ce que tu peux t'abandonner à lui ce matin? Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Adore-le ce matin. Il est Jéhovah Nissi, Jéhovah Rophé, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shikenu, l'Alpha et l'Oméga. Oh, tu peux lui faire confiance ce matin. Sa présence est ici ce matin pour te toucher. Oh, les bros et les babas, kala chambra, stéle maba la maba. Et que les bros et les mamas, la maman, la maman, télé maman, la maman. Et que les bros et les bébés, que bébé, les mamas. Ante les mamas, télé maman, kala chambo. Et que les mamas, télé maman, la maman, télé maman, kama maman, la maman. Et que les mamas, télé maman. Et que les mamas, télé maman, la maman, télé maman, la maman. Et que les mamas, télé maman, la maman, télé maman, la maman. Ante les mamas, télé maman, la maman, la maman. Et que les bros, télé maman, la maman, la maman, télé maman. Et que les mamas, la maman, la Mantele mama la mama la mama, ekele mama la mama la mantele mama la mama la mama, ekele mambro sele mama la mantele mama la mama la mama, ekele mambro sele akara sambro, atele bakara mambro sele bebe bebe, ekele mambro sele baba kara mambro sele baba la baba, atele bro sele be ekele bro sele be ekele bro, ekele bro sele bebe bebe bebe bebe, ekele bro sele bebe bebe bebe bebe bebe bebe, atele mambro atele mama la mama la mantele mama la mama, ekele mambro sele baba kara sambro sele baba la baba, ekele mambro sele baba kara sambro, atele mambro sele baba la baba la mantele baba la baba, ekele mambro la baba la mantele baba la baba la baba, ekele mambro sele baba la baba la baba, ekele mambro sele baba la baba la baba, ekele mambro la baba la mantele baba kama la baba la baba, ekele mambro la baba la mantele baba la baba, ekele mambro la baba la mantele baba la baba la baba, ekele bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, même pas ma famille, Seigneur, sans rien retenir, oh, mais pas mes études, Yahweh, sans rien retenir, tu peux lui donner ta vie, tes études, ta famille, ton mari, tes relations, sans rien retenir. Sans rien retenir. Father, we bless you. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous pouvons faire confiance en toi ce matin. Seigneur, merci. Merci. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci ce matin. Seigneur, nous venons devant ton trône. Seigneur, que ta parole nous bénisse une fois. Au nom de Jésus. Que cette parole ne retourne pas à toi. Mais que cette parole prenne racine dans nos vies. Et porte fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour moi-même. Seigneur, je suis un homme. Seigneur, que personne ne m'écoute, entende ma voix. Mais tout le monde entend ta voix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez un cri de joie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? On a eu une semaine très chargée. Alléluia. Une semaine très merveilleuse. Alléluia. Le congrès des bergers. Alléluia. Le premier congrès. Alléluia. Et comme le savez, il n'y aura plus homecoming. Peut-être une autre forme. Alléluia. Et maintenant, le homecoming, c'est le congrès des bergers. Alléluia. Et je pense que ceux qui étaient là étaient tellement bénis. Alléluia. Et je disais que maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup de leaders, de bergers, maintenant comprennent ce que nous sommes en train de faire ici. Alléluia. Ont un aperçu à ce qui se passe ici à Lighthouse. Alléluia. Et surtout le vendredi, lorsque vous étiez à l'école, à Mampon, à l'école. Alléluia. L'école biblique de Anakazo, c'était pas facile. Je ne connais pas une école ici au Ghana qui est comme l'école biblique de Lighthouse. Alléluia. Amen. Et donc, on a besoin, si tu veux aller à l'école biblique, hein, je pense, l'ouverture est toujours là. Alléluia. On peut te prendre, te former. Alléluia. Comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Et la formation à Lighthouse est différente. C'est très, très différente des autres formations. Alléluia. Et je ne veux pas dire beaucoup. Alléluia. Parce que j'ai du temps à prêcher. Wow. Alléluia. Et je suis très content ce matin parce que il y a une de mes brebis, mes premières brebis à aller à l'église, à la belle église, est ici. Ah. Pour ceux qui ne savent pas, alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas commencé avec la belle église. J'ai pas commencé avec Abelengpe. J'ai commencé avec Kodesh, à Kolegono. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est en 2008 que je me suis transféré à la belle église. Alléluia. Amen. Et donc, il y a l'une de mes premières brebis francophones. Elle est ici, Marjorie du Gabon. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Yeah, elle est au Gabon, elle est gabonaise, alléluia. Dans une branche au Gabon. Alléluia. Et on était tous dans le praise and worship. Alléluia. Amen. Et c'est une grande bénédiction. Je suis tellement en joie de la voir. Alléluia. Elle a passé la semaine avec nous durant le congrès. Alléluia. Et donc, après le culte, il faut la demander ce qui s'est passé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Yeah. Et donc, on va commencer. Alléluia. Je veux continuer un peu sur le sujet que j'ai commencé la semaine passée. Les démons. Hein? Les démons et comment les affronter. Alléluia. Amen. Les démons et comment les affronter. C'est ça, non? Yeah. Alléluia. Et donc, ce matin, on va essayer de voir une, deux choses. Alléluia. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 1. Alléluia. Et, wow. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt, Marc chapitre 5, verset 1. Okay? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car surtout, souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant. meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en jure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Lorsqu'il a vu Jésus, la Bible dit verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosternant devant. » Ah, cela veut dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sont prosternées ce matin pour louer le Seigneur. Mais alors qu'ils sont possédés d'un esprit impur. Yeah. Et il a loué le Seigneur. Verset 16, s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en jure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Waouh! Waouh! Que le Seigneur ajoute à la lecture de sa parole. Alléluia! Yeah. Wow. Cet homme était possédé de 2000 démons. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Yeah, 2000. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils sont sortis. Alléluia. Et ce matin, tu vas rencontrer Jésus et les démons vont sortir de ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et on a lu un verset ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ne sont pas charnelles. Ce n'est pas un homme qui a la chair et le sang. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qui a la chair et le sang. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas le sang. Ce n'est pas la chair. Alléluia. Ce sont des forces invisibles qu'on ne voit pas avec les yeux naturels. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. L'évêque a donné une expérience. Un jour, il était en train de prier pour quelqu'un qui était possédé. Alléluia. Possédé des esprits impurs. Et donc, il priait à un jour, il voulait dire qu'il ne voulait pas sortir. L'esprit ne voulait pas sortir. Alléluia. Et l'évêque a dit qu'il a demandé à l'esprit, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, quand est-ce que tu es venu ici? Alléluia. Et l'esprit a dit, est venu durant les vacances. C'est durant les vacances que l'esprit est entré dans ce gars-là. Yeah. C'est pourquoi je prêche ce message. Parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Décembre arrive. Alléluia. Et qu'il est entré dans ce gars-là durant les vacances. Alléluia. Il ne voulait pas sortir. Après, il a accepté de sortir. Donc, on lui a demandé, tu vas aller où? Parce qu'il était 3-4 frères qui priaient pour lui. Il a pointé du doigt l'un. Il a pointé du doigt un des gars qui était en train de prier pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Faut pas, il faut réfléchir un peu. Faut voir que les esprits nous connaissent. Les esprits te connaissent si tu es spirituel ou pas. Si tu es fort ou pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, l'esprit te connaît. Et l'évêque a dit, non, ne entre pas dans le... Ne entre pas. Va quelque part d'autre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est pourquoi il ne faut pas... Ce n'est pas n'importe qui prie pour les gens qui sont possédés. Yeah. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Parce que toi-même, tu es en train de te battre. Est-ce que vous êtes ici? Yeah. Donc, les esprits nous connaissent si tu es fort ou pas. Ce n'est pas la force physique. Tu te lèves le matin, tu fais le... Non, non, non, non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on a dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. C'est invisible. Et la semaine, je vous ai dit qu'il y a deux mondes. Monde des ténèbres et monde de Dieu. Monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, ils sont là. Waouh. Mais aujourd'hui, tu auras la force. L'esprit ne peut pas te tourmenter. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, ce n'est pas charnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Lorsque tu vois une confusion dans quelque part, c'est parce qu'il y a une visite du diable. Alléluia. Lorsque le diable a visité le jardin d'Éden, il y a totale confusion. Totale. Confusion totale entre Adam et Ève. Alléluia. Confusion totale. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible l'appelle le serpent, le vieux serpent. Le vieux serpent a eu un petit déjeuner avec Ève. Petit déjeuner. Yeah, parce qu'il a donné à manger. Il a dit, va prendre, mange, manger. Petit déjeuner. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc tu vois de bonnes choses. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé tous les animaux, il a créé la terre, il a créé l'homme. Il a dit que tout est beau, bien. Il a dit que tout est beau. Il a dit que non, l'homme ne peut pas rester seul. Je dois l'amener une femme. Donc il a fait mariage dans le jardin. Adam et Ève. Un beau mariage. Et la visite du serpent, la visite du diable, a créé une confusion totale. La jalousie, la guerre, hein? La guerre, les mensonges, les maladies, la visite, une seule visite. Alléluia. Et donc, c'est ce qui se passe ici, dans la maison. Alléluia. Tu es ici, tu as un bon cœur pour servir le Seigneur. Tu as seulement besoin d'une visite. La visite du diable, des démons, puis c'est fini. Pour dîner avec toi, ou bien pour avoir un petit déjeuner avec toi. Et puis c'est fini. Ah! Mais cette salle est trop petite. Cette salle est trop petite pour la belle église d'Abelengpe. Cette salle est trop petite pour la belle église d'Abelengpe. Pourquoi? Parce que cette salle n'est pas remplie. Parce qu'il y a une visite. Chez certains d'entre nous. Et aujourd'hui, on n'est pas ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vais servir le Seigneur jeune. Tu as un cœur pur, innocent. Tu es innocente. Innocent, tu viens. Et puis tu rentres à la maison. Tu rencontres un ami. Tu rencontres quelqu'un de l'hostel. Et qui est influencé par un démon. Et commence à te parler. C'est fini. Commence à te dire des choses. C'est fini. C'est fini. Visite du diable. Alléluia. Yeah. Visite du diable. Visite du diable. Qui dit que cette église n'est pas une bonne église? Il fallait être au congrès pour connaître, pour savoir. Il fallait être au congrès. Et les bergers, vous avez la responsabilité d'expliquer à vos membres, à vos brebis, quelle est cette église. Les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi ils parlent mal de l'église. Ils parlent même mal des pasteurs. Pas mal des chrétiens. Qui dit que nous sommes parfaits ici? Qui a dit ça? Hein? Ce n'est pas un ange, nous ne sommes pas des anges ici. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Dans la visite, fais attention pour ne pas avoir une visite du diable qui va te détourner de l'église. Yeah. Yeah. Parfois, c'est parmi nous, entre nous. Toi et quelqu'un qui est ici maintenant. Yeah. Yeah. La semaine passée, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont dit non, ne te rapproche pas le gars là, ne te rapproche pas à la fille là. J'ai dit à certaines personnes ici, ne te rapproche pas. Parce que je vois un démon influencer la personne. Ou bien? Yeah. Yeah. Parfois, c'est un garçon qui fait la cour aux filles ici. Fornique avec les filles. Et puis c'est fini. La fille est partie. Et toi-même, si tu la vois pour partir. Visite d'un démon. Visite. Visite. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu seras délivré. Alors que tu m'écoutes. On se connaît ou bien on ne se connaît pas? Hein? On n'est pas venu ici pour courir après les filles ou bien les hommes. On est venu ici pour louer le Seigneur. Donc, il ne faut pas venir pour nous détourner. Il ne faut pas venir pour nous empiéter. Il y a un mot comme ça, empiéter. Par les démons que tu... empiéter. C'est comme tu veux pleurer. Ah, okay. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, il faut faire attention. Qui est ton ami? Regarde ton voisin. Avec un sourire. Yeah. Yeah. Ton voisin peut te détourner. Yeah. Ton voisin peut te détourner. Ton voisin peut te détourner. Ton voisin peut être possédé par un démon. Vous voyez, la comment on dit? Comment dire? Je vais parler l'anglais, forgive. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé le croissant, donc le français ne passe pas. Je n'ai pas encore mangé le croissant, les français. Donc le français ne le sort pas. Alléluia. Qu'est-ce que les français mangent? Le croissant, non? Lorsqu'ils mangent le croissant, donc le français... Oh, Alléluia. Yeah. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le spirituel, ou bien le comment est-ce que je peux expliquer? Non. C'est pas. Non, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un monde ici, c'est le monde des ténèbres, et le monde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est facile de traverser les deux mondes chaque fois. Tu peux être dans le monde des ténèbres tout de suite. Et tu peux être dans le monde spirituel. Yeah. C'est facile. C'est ce que je veux expliquer. C'est facile de entrer dans ce monde-là. C'est facile, très facile. Alléluia. L'exemple de Pierre et Jésus. Yeah. L'apôtre Pierre qui était avec Jésus. Et Jésus parlait de sa mort, de la souffrance, de la croix et de tout ce qu'il va subir sur la croix pour sauver le monde, qui est la volonté de Dieu. Et tout d'un coup, le démon, je ne sais pas si le démon est sur l'épaule de Pierre, ou bien à côté de lui, est en train de parler. Il dit, non Seigneur, tu ne vas pas aller sur la croix. Tu ne vas pas souffrir, je ne vais pas te permettre de souffrir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière quoi? Satan! Il a appelé Pierre à Satan. Donc regarde ton voisin, très bien. Pierre qui aimait le Seigneur. Oh. Pierre qui aimait le Seigneur. Yeah. Wow. Est-ce que vous avez vu? Donc pour traverser, pour être influencé par les démons, c'est très facile. Très facile. Très facile. Tu peux aller tout de suite. Un démon peut quand tu commences à parler tout de suite. Ici, dans l'église, comment tu as te dit que tu as commencé à insulter le pasteur? Yeah. A commencé à parler mal de ce que je dis. A te dit qu'il ne faut pas croire ce que le pasteur dit. Ça veut dire, mais. Yeah. Il y a certains qui sont en train de dire, oh, le pasteur là. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, une belle chose, lorsqu'il y a une visite du diable, ça détruit la chose. La visite détruit la belle chose. Regarde comment le président a chanté. Regarde comment la chorale a chanté. Regarde comment Brunel et son groupe ont chanté. Regarde comment tu es ici. Innocent. Ah, le diable n'est pas content. Il n'est pas content que tu es ici. Il n'est pas content. Alléluia. Si un jour tu n'es pas ici, comme j'ai dit la semaine passée, il ne faut pas dire que c'est le pasteur qui a fait. Il ne faut pas dire que c'est l'église. Il ne faut pas dire que c'est ton voisin. Il ne faut pas dire que c'est ton ami. Tu as seulement eu une visite. Tu as dîné avec quelqu'un. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. De bons mariages sont détruits par la visite. La visite. Parfois on dit, il n'y a pas de compatibilité. On l'appelle compatibilité. On l'appelle démon compatibilité. Yeah. On appelle les démons compatibilité. On appelle les démons mésententes. Pas démons, on n'aime plus, on ne s'aime plus. Yeah. La semaine passée, je vous ai dit que mais on ne donne pas le nom, le vrai nom à des choses qui se passent dans nos vies. Et c'est pourquoi les démons fleurissent. Yeah. On ne donne pas le nom spécifique. Ah, ça là, c'est le démon. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on va donner, donner les vrais noms aux choses qui se passent dans nos vies? Pour qu'on puisse les combattre. Parce que lorsque tu ne donnes pas le nom, tu seras à l'aise avec la chose. À l'aise. Tu ne seras même pas, tu seras même ami avec la chose. Tu vas aimer la chose. Et tu vas voir que ça continue à grandir. Alors que c'est un démon. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc ce matin, la semaine passée, je vous ai dit, il y a trois opérations du diable, trois activités principales du diable, trois activités. Et j'ai dit, c'est quoi? TCL. C'est TCL? TCL. Yeah. TCL ou bien TEL? TEL. Alléluia. TCL ou bien TEL. Trois activités ou bien trois opérations principal du diable. Yeah, le T, c'est quoi? Tentation. Alléluia. Tentation, c'est une opération du diable. Yeah, c'est une manifestation, opération démon. C'est une activité démoniaque lorsque tu es tenté. C'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, La persévérance, le contrôle, tu arrives à te contrôler. La foi. Hein? La charité, tout. Il y a beaucoup de fruits du Saint-Esprit. Mais l'un des fruits du diable, c'est la tentation. Ou bien activité. Activité du diable. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 4. Ou bien verset 1. Okay. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Est-ce que vous avez vu? Tenté par le diable, c'est pas tenté par l'esprit, tenté par le diable. C'est pas Dieu qui te tente. Pendant 40 jours, tenté, tentation. Les tentations sont les activités du démoniaque, du diable, des démons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Oh. OK. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1. Jacques. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Le péché, étant consommé, produit la mort. Lorsque tu es tenté, c'est quoi? C'est ta propre convoitise. Tu as attiré, amorcé. Attiré, amorcé. J'ai envie. Ce que je dis, j'ai envie. J'ai envie de la toucher. J'ai envie de prendre le iPad. J'ai envie de prendre le téléphone. J'ai envie de prendre. J'ai envie de ne pas venir à l'église. J'ai envie de forniquer. Tu ne dis pas, mais c'est dans ton cœur. Yeah. Il y a un gars qui n'arrive pas à il dit qu'il n'a pas forniqué, donc il n'est pas à l'aise. Envie. Les envies. Les envies. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Lorsque tu es tenté, c'est une activité du démoniaque. C'est le diable qui te tente. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, c'est souvent un désir très fort. Yeah, un désir très fort. Très fort. Un désir très fort. Qui te pousse. Alléluia. Tu as envie de le faire. Oh là là. Oh, Nene, fais attention. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré. Waouh. Proverbe chapitre 1, verset 10. Je vous donne une clé. Dans Proverbe 1, verset 10. Une clé. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est la clé. Yeah. Dis à ton voisin, lorsque les pécheurs te séduisent, ne te laisse pas gagner. Yeah. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Yeah. J'ai envie de le voir. J'ai envie d'entendre sa voix. J'ai envie de me laisser prendre par ses bras. C'est un mot français. Le français des croissants, le croissant. Ok. J'ai envie. Tentation. Vous voyez, lorsque tu surmontes chaque tentation, tu as la promotion spirituelle. Donc, avec des petites tentations, tu n'arrives pas à surmonter. Tu vas rester là-bas pour longtemps. Tu seras bébé spirituel. Yeah. Donc ne te laisse pas gagner par la tentation. Ne te laisse pas. La séduction du diable, c'est agréable. Les choses qui sont vraies, agréables à voir, agréables à faire. Alléluia. J'ai envie de masturber. Parce que c'est agréable. Vous voyez, l'une des choses, l'une des clés, c'est lorsque tu décides de faire les choses difficiles. Bien. Si tu veux avancer, tu fais les choses difficiles. Les choses faciles sont des tentations. Tu vas tomber dans un péché tout de suite. Ah. Difficile. Difficile. Tu as envie, mais tu ne veux pas. Tu as envie, mais tu dis que je ne vais pas me laisser gagner. Alléluia. Tu as envie. Tu as envie de toucher. Envie de toucher le sein. Envie de toucher la cuisse. Nous sommes à l'église. Parfois, on doit mentionner pour que vous sachiez. Sinon, on va dire, le pasteur n'a pas dit ne pas toucher. Il n'a pas mentionné le nom là. Donc parfois on doit mentionner pour que c'est ça. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher quoi? C'est le truc là. Non, non, non, non. Ce n'est pas le truc là. Ce n'est pas le bois, c'est pas. Ah, forgive. Les chrétiens sont ah, je veux dire malin, c'est malin. Yeah. Le pasteur n'a pas dit ça. Il n'a pas mentionné le nom là. C'est pourquoi on mentionne les noms maintenant. Forgive. Ah. Ok, Jacques chapitre 4, verset 2. Ok, ça part de la prière. Okay. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, vous enviez, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ok. Galates chapitre 6, verset 16. Galates 6, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça même. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Spirituel. Marchez selon l'esprit. L'esprit. Par l'esprit. Alléluia. La prière. La méditation. Les activités spirituelles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ceux qui sont toujours dans des activités spirituelles. Sont toujours à l'église. Oh, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ils ont peu de temps à être tentés par le diable. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Il y a un jour, un frère m'a dit, il dit, pasteur, non. Non, non, je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise. Parce que je fais peu de choses à l'église. Yeah. Il dit, non, au pays, je suis ici, je suis dans ça, je fais ci. Et ça me garde, ça me donne la joie. Et je suis à l'école aussi. Ce n'est pas que j'ai laissé l'école. Et ça me fait avancer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Ceux qui sont oisifs. Ceux qui ne voient rien. Vous avez une grande possibilité d'être tentés. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est lui là, le gars là. Le jardin. C'est pourquoi il joue piano, il est dans la danse, il veut rapper, il veut faire tout. Il veut faire tout. Yeah. Yeah. Il ne savait pas danser, mais il a commencé à danser. Parce qu'il dit non, si je ne m'implique pas dans ces activités-là, je risque de retrograder. Yeah. Et il a à l'école aussi, oh. Les gens qui disent, l'école, ils sont là. Si tu veux faire, tu vas faire. C'est parce que tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas faire. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et puis le C. T, c'est tentation. C, c'est conduire. Ou bien E, entraîner. Ou bien emporter. Être emporté. Ok, Luc chapitre 8, verset 29. Je finis dans 5 minutes. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 29. Car Jésus commandait l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps, et on le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par les démons dans les déserts. Dans les déserts. Il est entraîné. Il était conduit. Il était emporté. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Tu es emporté. Tu étais, c'est comme tu es dans une voiture et puis le chauffeur te conduit dans un endroit où tu ne veux pas aller. Yeah. Les démons te conduit. Te conduit. Alléluia. Yeah. Il était entraîné par le démon dans le désert. Qu'est-ce qu'il veut aller faire dans le désert? Qu'est-ce qu'il veut aller faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien dans le désert. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, une activité du c'est de te conduire, de t'entraîner dans un endroit où tu ne veux pas aller. De t'entraîner des activités que tu ne veux, que tu normalement tu ne devais pas aller. Hein? Les boîtes de nuit. Au lieu de venir à l'église, boîte de nuit. Au lieu de venir à l'église, les fêtes. Tu vois, les francophones disent qu'on a eu anniversaire samedi, donc dimanche, je ne peux pas venir à l'église. Je dis, ah, qui t'a donné l'anniversaire? Qui t'a donné l'anniversaire? Et tu as fêté l'anniversaire le jour précédent, et puis le dimanche, tu ne veux pas venir à l'église. Donc, Dieu va prendre l'anniversaire. Une petite célébration, donc c'est fini. Dieu, on a oublié le Seigneur. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Ne sois pas conduit et entraîné par le démon. Allez dans un endroit. Il ne doit pas avoir une personne ici qui va dans les bois de nuit. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ah, tu ne dois pas aller. Si tu es allé, donc tu es entraîné par un démon. Pour aller dans un désert de club, désert de bois de nuit. Ah, c'est pour aller te détruire dans ta confusion. Tu vas attraper démons d'infidélité, démons de fornication, démons de divorce, démons d'alcoolisme, démons de fumée. Demande de boire, de chanvre. Demande de maladie. T'entraînes dans des choses, dans des endroits, dans des activités pour te détruire. Il est entraîné dans le désert. Désert, il y a quoi? Il n'y a rien. Rien ne marche dans le désert. Donc, le démon va te conduire dans une situation où tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas bénir, ta vie sera détruite. Ou bien, tu crois que le démon t'aime? Le démon ne t'aime pas. Jean 10, 10. Tu connais Jean 10, 10? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Yeah, c'est ce qu'il est venu pour faire dans ta vie. Donc, s'il est en train de t'entraîner, te conduire, c'est pour te détruire. T'égorger, te dérober. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus te conduire. Au nom de Jésus. Yeah, si tu crois avec moi, tu ne seras plus conduit. Et toi, elle, tentation, conduire, et quoi encore? Lier. Lier. Luc chapitre 13, verset 16. Luc 13, 16. Luc 13, 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Yeah. Satan tenait liée. Essayez, les gens qui sont liés, n'allez pas t'en sortir. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas progresser. Tu es toujours sur place. Ta vie chrétienne, c'est comme tu dois donner ta vie aujourd'hui. Charles, encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Tu es contrôlé. Hein? Tu es limité. Parce que lorsque tu es lié, tu ne peux pas marcher. Si on lit ton pied là, tu ne peux pas marcher. Yeah. Tu es lié. Tu veux chanter dans la cour là, mais tu es lié. Le démon te lie. J'ai envie. Ils ont bien chanté ce matin. Oh, je vais, après le culte, je vais parler avec le pasteur. Je vais parler avec Brunel. Je vais parler avec Richie. Lorsque tu sors de la porte. Mais les gars là. Mais les gars là. Non, chorale. Ok, la semaine prochaine. Lié. Alléluia. Yeah. Parfois, on a péché, on a fait un péché. Ce matin, les gens disent, oh Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin de ce péché. Et c'est la fin. C'est la fin de ce péché. Yeah. Parce que parfois, on prend la résolution. C'est une résolution, non? C'est fini, c'est fini, Satan. Moi et toi, c'est fini. Moi et toi, c'est fini. Durant le culte. Mais on sort. Lorsqu'on voit la clé de notre porte, c'est fini, on recommence. On est lié. Tu n'arrives pas à te libérer, te débarrasser de ces choses. Lié. Le diable te détruira. Le diable te détruira. Le diable te détruira. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libéré. Yeah. Ceux qui sont, qui sommes ici, c'est pas qu'on n'a pas des tentations. Mais par la grâce, on n'arrive pas à surmonter. Yeah. Je vous ai dit, l'une des clés que tu peux utiliser, c'est de ne pas être d'accord avec le diable. D'accord avec lui. Donc lorsqu'on on masturbe, on est content. Oh, c'est bon, c'est agréable. Oh, diable, c'est agréable. Ok, merci aujourd'hui, demain, on recommence. Et puis, pornographie. Oh, regarde. Oh, ok, je veux plus. Okay. Oh, ok. Ah. Oh là là, on prend le iPad. Oh, regarde un peu, on dit ok. Ok, demain, ok. Oh, pas demain, oh, pas aujourd'hui, demain. On est en train de discuter avec le diable. Négociation, c'est ça même. Négociation. Yeah, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On dit résiste le diable. Dis non! Ton nom, c'est comme c'est une puissance, une grande puissance que le diable a peur de. Il a peur de ton nom. Le nom, non. N-O-N. Il a peur de ton nom. Vous comprenez? N-O-N. Lorsque tu dis non, c'est fini. Pas partir. Non! Non! Je ne vais pas regarder. Je delete, supprime. C'est fini. Supprime. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Le Le gars vient et commence, il fait comme ça. Il dit non. C'est fini entre toi et moi. Toi et moi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non. Non. Non. Beaucoup d'entre nous ont dit non à partir d'aujourd'hui. Et le non là, c'est majuscule et puis c'est fini. Lorsque tu dis non, il va essayer encore. Il va essayer. Tu dis non. Elle dit non. Non. Non. Tu dois, chaque jour, tu dois dire non. Tu vas voir que c'est fini. Tu n'es pas d'accord avec lui. Elle va dire ok. Ah, aujourd'hui, il va. Ok, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Pour la dernière fois. Hein? Le gars va dire aujourd'hui là-haut. Lorsque tu me. Aujourd'hui, c'est fini. Ok. Si tu dis c'est fini, ok, je comprends. Mais aujourd'hui là, c'est le dernier. C'est le dernier. Il faut me permettre aujourd'hui et puis c'est fini. C'est ça, non? Yeah. Yeah. Faut me aujourd'hui, parfois, on va s'agenouiller devant la fille. Oh, aujourd'hui. Aujourd'hui. Please. Pardon. Aujourd'hui. C'est vrai, bien, c'est vrai. Lorsque je. Aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Yeah, c'est fini. C'est fini. Donc, tentation conduire est plus liée. Aujourd'hui, on brise les chaînes au nom de Jésus. Levez-vous, ma prière. Bro seleba kala chambro sele bebe kele chamba. I kele bro seleba kala mambro sele bebe kele chamba. I kele mabro sele bebe kele chambra sele mama la baba. Oh, si tu pries en langue, commence à prier en langue. Le diable n'aime pas les langues. Le diable n'aime pas parce qu'il ne comprend pas. Oh, les bro sele bebe kele chambo. Si tu ne pries pas en langue, prie dans ta propre langue. Et dis non, non, non, non, non, non. Bro, c'est les bébés, que les chambres. Y que les mambros, c'est les babas, que les chambres, c'est les bébés. Y'a que les mambros, c'est les bébés, les bébés, que bébé, les bébés, que bébé, les bébés. Y que les mambros, c'est les bébés, que bébé, les bébés, que bébé, les bébés. Y'a que les bros, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes. Nous brisons ce cycle de péché. Nous brisons ce cycle de fornication. Nous brisons ce cycle de pornographie. Nous brisons ce cycle de mensonge. Nous brisons ce cycle de fréquenter les boîtes. Nous brisons ce cycle au nom de Jésus. Ikele mabro, le baba kala chambo. Ante les bros, c'est le bébé qui les chamba. Ikele bros, c'est le bébé qui les chambro, c'est le baba. A les bros, c'est le bébé qui les chambo. Et quel est ma brosse, c'est le baba. Est-ce que tu peux être fâché contre le diable ce matin? Je suis fâché. Allez, brosse, c'est le baba. Je brise. J'annule. Allez, bro. J'annule l'influence. Je brise les chaînes. Allez, bro. A quel est bro? Y'a quel est bro? Au nom de Jésus. Y'a quel est ma brosse, c'est le baba. A quel est brosse, c'est le bébé. Y'a quel est brosse, c'est le baba. Y'a quel est brosse, c'est le bébé. Quel est le chambeau? A quel est bro? Yikele bro, c'est le bébé. Il y a la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier dire au nom de Jésus? À la mention du nom, tous genoux fléchis. Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parfois le diable vous lit, tu n'arrives même pas à chanter, il y a la tu n'arrives même pas à danser, tu n'arrives même pas à rire. Oh, ce matin c'est brisé, ce matin c'est brisé, ce matin c'est brisé, ce matin c'est brisé, ce matin c'est brisé, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Oh, du danser, tu peux danser, tu peux danser, tu peux danser, au nom de Jésus. Brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les, oh, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Le diable a pris ta joie. Tu n'arrives même pas à rire. Tu n'arrives même pas à sourire. Tu n'arrives même pas à te être libre. Aujourd'hui, c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Maintenant, tu vas commencer à faire des pas. Pas avancer. Tu vas avancer dans tout aspect de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, ta parole dit à la mention du nom, tout genou fléchit. Seigneur, ce matin, tous les démons vont fléchir à la mention de ton nom. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne, tout cycle de péché, tout cycle de activité démoniaque, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va voir les signes. Parce qu'il voit ce signe-là en ton ami. Il est à côté, tu vois le signe. Il a dit, mon frère, fais attention. Fais attention. Yeah. Alléluia. Donc ne manquez pas. Fermez les yeux. On va finir. Fermez les yeux. Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus, tu n'as pas le salut. Mais ce matin, tu réalises que tu as besoin de Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Lève la main. Tu veux donner ta vie à Dieu. Merci, Derek. Je vois. Je vois ta main, mon frère. Je vois la main, mon frère. Je vois. Ma soeur, je vois. Je vois. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Dieu. Avant de commencer à te libérer, là, ta première liberté, c'est le salut. C'est le salut. Est-ce que tu peux lever la main? Recevoir le salut ce matin. Reçois le salut. Merci, mon frère. Merci. Merci. Merci. Tu ne comprends même pas. Il n'y a pas de problème. Qui va comprendre? Le Seigneur va t'aider à comprendre. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant, on va prier. Mon frère, viens. Viens. Viens. Viens. Tu n'as pas levé les mains, mais tu veux venir, viens. Viens. Viens. Viens. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir, viens. Viens, merci. Merci. Tu n'as pas levé la main. Mais tu veux venir, viens. Viens. Viens. Tu n'as pas levé la main. Mais tu veux venir, viens. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Viens. Viens. Seigneur, merci. Alléluia. Vous allez répéter après moi cette prière. Faites la prière, votre propre prière. Et le Seigneur, c'est simple. Mais vous allez recevoir une vie nouvelle. Votre esprit sera un nouveau esprit. Le Seigneur va vous pardonner de tous vos péchés ce matin. Fermez les yeux et répétez à moi. Dis, Seigneur, je te remercie. Je crois ce matin que tu as envoyé ton Fils pour me libérer, pour me sauver. Ce matin, je crois et je le confesse comme Seigneur. Je l'invite dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur, je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce. Donne-moi la puissance divine pour pouvoir te servir, pour pouvoir surmonter les tentations. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen.